Hector, tu veux donc me laisser mourir de désespoir, d'anxiété, d'inquiétude ? Dit-elle en se voyant enlever le principe de sa force. Je te reviendrai, ange descendu du ciel, je crois, exprès pour moi. Je vous reviendrai, sinon riche, du moins dans l'aisance. Écoute, ma bonne Adeline, je ne puis rester ici par une foule de raisons. D'abord, ma pension, qui sera de 6 000 francs, est engagée pour 4 ans. Je n'ai donc rien. Ce n'est pas tout. Je vais être sous le coup de la contrainte par corps dans quelques jours, à cause des lettres de change souscrites à Vauvinet. Ainsi, je dois m'absenter jusqu'à ce que mon fils, à qui je vais laisser des instructions précises, ait racheté ses titres. Ma disparition aidera puissamment cette opération. Lorsque ma pension de retraite sera libre, lorsque Vauvinet sera payé, je vous reviendrai. Tu décèlerais le secret de mon exil. Sois tranquille, ne pleure pas, Adeline. Il ne s'agit que d'un mois. Où iras-tu? Que feras-tu? Que deviendras-tu? Qui te soignera, toi qui n'es plus jeune? Laisse-moi disparaître avec toi, nous irons à l'étranger, dit-elle. Eh bien, nous allons voir, répondit-il.